Elle vient de louer un 17 mètres carrés tout en haut d'un immeuble. Depuis que je l'ai aidée à tout emménager, je fais partie des meubles. Sixième sans ascenseur, c'est toujours en sueur que j'arrive chez elle. Comme si j'avais au moins fait la moitié du chemin qui mène au septième ciel. J'affronte chaque jour le long compte à rebours pour rejoindre ma belle. Je souffle et je maudis le crétin qui a dit que l'amour donnait des ailes. À deux doigts de la crampe, je m'accroche à la rampe pour le sourire espiègle d'une oiselle perchée qui a voulu nicher aussi haut que les aigles. Sixième sans ascenseur, lorsque je sens mon cœur qui s'emballe à tout va, je me dis que sans erreur, je pourrais pas faire facteur ni témoin de Jéhovah. Bien des gens ont rêvé, comme dans les contes de fées, de vivre leur idylle au sommet d'un château. Moi je ferais plutôt des rêves de bungalow. Et petit à petit, j'avale sans appétit ces marches que je monte. Il y en a 233, précisément comme quoi même, quand on aime on compte. Sixième sans ascenseur, si notre petit bonheur dure encore quelques mois, je me retrouverai avec les molettes à Topec et mon premier chamois. Sixième sans ascenseur, si le jeu peut faire peur, il en vaut la chandelle. Quitte à rater la sieste, j'escaladerai l'Everest pour m'allonger près d'elle. Pour m'allonger près d'elle.